Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette heure consacrée au 9e art. 9e art, un marché qui est en bonne progression d'ailleurs. En fait, c'est ce qu'on faisait état dans les statistiques qui ont été publiées entre autres en janvier-février dernier, notamment du côté du marché français, un marché qui a bondi d'ailleurs de 11% avec 48 millions d'albums vendus, donc seulement en France. Un marché qui visiblement se porte bien d'ailleurs selon les chiffres donc de Livre Hebdo, un chiffre d'affaires de 555 millions d'euros, une hausse de 9% et avec 24 300 titres qui ont été publiés également en 2019, encore là, seulement en France. Il y a un peu plus si on ajoute le reste. Eh bien, donc, les mangas qui arrivent en tête, des parutions francophones, 39% du marché devant la BD de genre à 28%, la BD jeunesse à 26% et les comics à 6%. Et d'ailleurs, ben en fait, on le devine bien à chaque fois qu'il y a des palmarès comme ça qui sortent, eh ben des BD comme La fille de Vercingétorix, d'Astérix, qui évidemment sont en pole position sur les ventes. En fait, la bande dessinée avait été numéro 1 des ventes en 2019, tout genre et format confondu. Et d'ailleurs, en fait, les statistiques qu'on lance comme ça d'entrée de jeu, qu'on avait envie de vous lancer depuis déjà un certain temps, mais qui ont relancé aussi largement du côté européen, à tout le moins, le débat sur la juste rémunération des auteurs. Donc, dans le contexte où, d'un côté, ben, on remarque que les ventes, que le milieu, que le marché de la bande dessinée se porte bien, et ben en parallèle, d'autres analyses mettent de l'avant le fait que plusieurs auteurs vivent toujours dans la précarité et qu'il y a des enjeux dans certains éléments relatifs au modèle, entre autres structure d'édition, structure de distribution et le reste, donc qui continue de susciter des préoccupations, des frustrations également chez différents auteurs. Et c'est des éléments, c'est des dossiers, si vous suivez un tant soit peu l'actualité BD, sur lesquels nécessairement vous êtes tombé dans la foulée là, du festival d'Angoulême. Alors voilà pour une petit clin d'œil là, en entrée d'émission ce soir. En termes de menu, eh ben qu'est-ce qu'on vous offre cette semaine? Beaucoup de rencontres, en fait, beaucoup de discussions et surtout beaucoup de cartes blanches. Donc on a offert deux mini cartes blanches à deux de nos libraires en résidence. Alors Marco Duchesne en deuxième moitié qui va venir nous jaser des cahiers de la BD, le spécial Western qui a été publié récemment. Du côté d'Édouard Tremblay qui sera de passage lui en première moitié d'émission, eh ben il nous amènera avec un nouvel album de JP qui s'appelle Aldo Brando, dont il avait également envie de nous parler. Alors, je leur ai dit, ben regardez, vous avez un petit temps, une mini carte blanche, parlez-moi de ce que vous voulez. Alors, donc, visiblement, des publications récentes qui ont attiré leur attention pour différentes raisons. On en parlera avec eux dans quelques instants. Et également, ben, dans quelques instants, même dans quelques minutes, dans ce cas-ci, Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD, sera de passage. Vous avez peut-être vu les annonces passées, entre autres sur les médias sociaux ou sur les fils de presse gouvernementaux. Québec BD qui a lancé un partenariat avec une organisation des dédié à la valorisation de la bande dessinée en Corée du Sud. Alors, ça s'ajoute à d'autres initiatives. On avait envie de profiter de l'occasion là, pour faire un peu le point avec M. Côté sur le volet international de Québec BD, donc au-delà du festival à proprement parler. Alors, c'est ce dont on jasera tout à l'heure, entre autres sujets. Alors voilà pour le menu de cette semaine ici à La Vie en BD. C'est Raymond Poirier donc qui est avec vous jusqu'à 18h30. Et en musique, eh ben on se lance avec une formation qui s'appelle donc Mega Blast, avec un album qui s'appelle Desert Planet. Et on écoute donc un premier extrait de cet album. We'll be right back. toujours donc Desert Planet avec leur album Extra Ball qui va nous accompagner dans la 8-bit tout au long de l'émission de cette semaine. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd, et que les émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, au bout du fil, on est en compagnie du directeur général de Québec BD, Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Et Thomas-Louis, en fait, j'ai l'impression qu'on t'attrape un peu en mode cellule de crise. Tous les organismes culturels semblent être un peu là-dedans avec ce qui vient de sortir là, concernant le COVID-19, donc le coronavirus. J'imagine que du côté du festival, il y a des grosses décisions, des grandes réflexions qui sont en cours actuellement. Effectivement, depuis hier, depuis les annonces du premier ministre hier midi, c'est certain qu'on est en mode solution, si on veut, par rapport à l'événement. Donc, on va être en mesure, lundi, je crois, là, de pouvoir dévoiler un peu plus la teneur du festival cette année ou la forme que ça prendra, là, parce qu'il reste plein d'inconnus encore. On a quand même une bonne association avec le Salon du Livre de Québec et qui, pour l'instant, ne s'est pas positionné à savoir si ça allait être annulé ou non. Donc, c'est certain que c'est plein de petits éléments qui vont venir nous influencer puis voir comment on entrevoit cette année là. Alors, ce sera à suivre et nécessairement, ça veut dire aussi que sur cet enjeu et cette réalité, ben, on se donnera rendez-vous au début du mois d'avril pour faire le point sur ce qui aura lieu ou non. Et éventuellement, évidemment, on invite aussi là-dessus les gens à suivre les médias sociaux du festival ou à consulter québecbd.com pour avoir toute l'information sur l'évolution de la situation du côté du festival Québec BD. Et Thomas-Louis, évidemment, on n'a pas invité pour jardin du COVID-19, mais j'ai presque envie de faire un mini-parallèle parce que j'imagine que du côté européen, on parlait déjà un peu au retour d'Angoulême, donc tu as des présences un peu à l'international, et vous voyez aussi de votre côté, tranquillement, les autres festivals du côté de l'Europe, entre autres, là, c'est je dirais pas une hécatombe, là, mais ça s'annule tous un après l'autre, là. Exactement. Donc, c'est certain qu'on avait quand même plusieurs projets à l'international, puis même d'autres qui se sont confirmés là, après qu'on se soit parlé au retour d'Angoulême. Donc, c'est des belles choses à venir. Et là, ben, avec la situation actuelle, on est dans une pause, si on veut, par rapport à tout ça, parce qu'on ne sait pas dans le temps qu'est-ce qui va advenir. Et on espère quand même que l'automne soit un moment où ce soit quand même revenu un peu à la normale, là, mais même à l'été, à la limite, là, mais c'est ça. Présentement, nos collaborations qui étaient sur les ronds, on parle d'une collaboration avec le Comacon, donc qui est une organisation à Busan, en Corée du Sud, qui fait la promotion du manhwa. Donc, on avait un projet de résidence croisée qui, pour l'instant, est pas sur la glace, mais n'est pas établi dans le temps. On a aussi un projet avec le Sénégal qui devait amener des gens du Sénégal au festival cette année. Et comme le projet s'est confirmé relativement tard, on était plus en réflexion à ce moment-ci. Et donc ça va être reporté dans le temps aussi. On avait un projet de 4 résidences durant l'année, donc la première cet été. Alors, pour l'instant, ben, on n'a pas fait l'appel de candidature non plus à ce niveau-là. Donc, on est vraiment sur la glace pour presque tous nos projets. Là. Et il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui disent, mais mon Dieu, Québec BD a un partenariat avec Bunchan, Québec BD a un partenariat avec le Sénégal. Donc, ils s'ajoutent à des partenariats qui étaient déjà établis, entre autres, avec l'Europe l'an dernier, avec le Lakes International Festival, avec le TICAF de Toronto. En fait, il y a des liens qui se tissent. Et c'est un peu la raison pour laquelle on t'a invité aussi cette semaine. Entre autres, ce partenariat avec la Corée du Sud qui a été annoncé officiellement il y a quelques jours de ça. Ça rentre un peu dans les forêts que Québec BD a fait avec l'Asie, entre autres avec le Japon, avec Shanghai, il y a quelque temps, donc maintenant la Corée du Sud. Exact. Le fait d'être présent dans des festivals à l'étranger, notamment Lyon, le Festival Angoulême ou même le Lakes l'été dernier, à l'automne dernier, permet de faire des rencontres intéressantes avec des organisateurs d'événements ou des responsables d'organismes qui font la promotion de la bande dessinée dans leur pays. Donc, je voudrais dire, on a quand même des projets qui ont été soumis même pour les pays nordiques, donc Danemark, Finlande, Islande et autres. Il y a eu des liens avec la Lituanie qui ont été mis qui se sont créés un peu. Donc, il y a plein de choses qui risquent de fleurir dans les prochaines les prochaines années, si on veut, autour de l'international. Et je trouve que Québec BD se donne un rôle intéressant de faire la promotion de la bande dessinée québécoise dans des contextes internationaux. Par exemple, il était question qu'on soit à Erlangen dans juin prochain pour le festival, faire la promotion de la bande dessinée québécoise là-bas avec les gens du Toronto Comics Art Festival qui, eux, vont s'occuper du volet canadien. Mais c'est toutes des choses qui, pour l'instant, sont un peu en suspens, là. Effectivement, évidemment, mais c'est des belles nouvelles, je trouve, quand même. Bon, en espérant évidemment que la situation évolue d'un point de vue pandémie, mais au-delà de ça, c'est dans le fond de ce que j'en comprends, c'est qu'on dépasse aussi de plus en plus la valorisation dans la sphère francophone, où on s'en va vers des pays francophiles ou vers des pays simplement d'autres langues où le français n'a pas nécessairement une place aussi importante non plus. Donc, on fait une valorisation de plus en plus large, on peut dire. Oui. Bien, si on regarde des pays de plus petite surface, si on veut, que ce qu'on connaît, ou les classiques de la bande dessinée comme les États-Unis, la France, la Belgique et tout, je crois que les gens sont quand même curieux de voir ce qui se fait dans d'autres contextes de petite population ou dans un contexte où le marché de la bande dessinée n'est pas nécessairement facile. Au Québec, on a quand même un long historique, puis il y a d'autres pays, si je pense à la Pologne, par exemple, ou même le Chili, ou même Cuba, à la limite, qui, eux, ont également un historique en bande dessinée qui est assez grand et très méconnu. Donc, sont curieux, eux, de voir qu'est-ce que d'autres populations dans la même situation ont fait. Et j'ai l'impression que pour Québec BD, c'est un peu, je dirais pas une explosion récente, mais presque. En fait, il y a 5-10 ans, c'était un volet qui était peut-être moins présent. Et là, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est un volet qui est en train de prendre une place prépondérante dans la mission de l'organisme. Oui, ben le fait que j'ai été prendre mon passeport aide beaucoup. non, mais sans farce, c'est vraiment, encore là, comme je disais, le fait d'être présent dans des événements à l'extérieur de façon régulière, de plus en plus, donc je parle Lyon, Angoulême et tout ça, permet de faire des rencontres puis de créer des liens qui se développent d'année en année. Donc de revoir ces personnes-là, des fois on a le goût de faire des projets. C'est pas toujours évident de faire des projets une première année. Si je pense par exemple là avec Cuba où on a un projet avec eux qui encore là est en suspens. Il devait avoir un auteur cubain présent au festival cette année, mais malheureusement, j'ai dû annuler. Ce partenariat-là s'est créé autour d'une rencontre assez fortuite il y a 2 ans et demi. Et c'est la première année qu'on a vraiment un projet concret qui amène un échange entre des auteurs, un auteur cubain et un auteur québécois, une collaboration commune et tout. Donc, c'est des choses qui, des graines que j'ai semées, si on veut, au fil des ans. Et que tout à coup, ça se met à fleurir, là. Et j'imagine au bénéfice autant des auteurs de là-bas que des auteurs d'ici, parce que tu le disais tantôt, dans le fond, on se retrouve avec parfois des pays où il y a des contextes qui sont similaires en termes de densité de population ou en termes de culture de la bande dessinée aussi. Et donc, ça permet en fait aux auteurs d'ici autant qu'aux auteurs de là-bas de se rencontrer, de se reconnaître, de fraterniser, de s'influencer mutuellement, puis de sortir aussi du spectre d'influence classique, dans le fond. Exact. Et ça permet, je pense qu'on a fait voyager quand même beaucoup d'auteurs dans les dernières années. Là, ça a été une année extraordinaire à ce niveau-là aussi. Donc, tu sais, ça permet aux gens de créer des liens, de faire des amitiés, de rencontrer des éditeurs, à la limite même des voies de traduction. Et tout ça mène habituellement à des projets ou des échanges. Et c'est toujours, je trouve, une belle façon de promouvoir la bande dessinée, mais à travers justement des amitiés qui se forgent. Et j'imagine qu'il y a des contextes différents aussi quand on parle de la BD à Cuba versus en comparaison à la situation, exemple, au Japon ou en Corée du Sud, où là, il y a une grosse culture, le manga a une place importante, majeure dans leur sphère littéraire. Alors là, la teneur des opportunités, de la visibilité qui est associée change aussi. On est presque en développement de public potentiel pour la BD québécoise. Oui, ben c'est vraiment deux contextes, comme tu dis, différents, au sens où dans des endroits comme Cuba, on a un rôle quasiment de, pas de mentor, mais les auteurs qui vont là-bas ont vraiment une belle écoute de la part des auteurs locaux, parce qu'ils sont en train de reconstruire leur bande dessinée. Donc, un peu comme nous, on a fait au Québec, mais dans un contexte peut-être plus facile. Là. Donc, il y a un apprentissage qui se fait. À l'inverse, d'aller dans un endroit comme Bouchon, qui a un historique très fort avec le manhwa, le webtoon et tout ça. On y va quasiment en élève. C'est d'aller prendre des trucs, de voir des choses qu'on peut réimporter ici, puis voir comment eux fonctionnent et comment nous, ça pourrait nous servir. Donc, c'est vraiment des choses différentes, des contextes différents. Et c'est important d'avoir justement une variété de types d'opportunités, de types d'occasions. Et j'imagine que ça influence aussi quels auteurs on fait venir, quels auteurs on envoie aussi, selon le type d'opportunité qu'on se donne, le type d'occasion qu'on développe. Exact. Ben, c'est toujours aussi d'essayer d'y aller pour la variété. Donc, je me fais quand même un point d'essayer de faire voyager des gens différents, parce que ça serait facile d'y aller nécessairement avec, par exemple, les auteurs d'une maison d'édition qui ont plus de facilité au niveau de la traduction, des auteurs qui ont collaboré avec des maisons d'édition européennes qui sont disponibles ailleurs. Donc, j'essaie de donner la chance à plusieurs personnes de faire les voyages. Alors, ce sera à suivre, évidemment, et on continue de voir et d'apprécier ces efforts-là, je pense, en fait. Il y avait déjà eu, d'ailleurs, une récompense, je pense, pour toi et le festival, il y a quelques années de ça, en termes de développement international, et c'était, pour moi, un peu au balbutiement de cette initiative-là, et donc, en fait, C'est une nomination, donc, ouais. Peut-être qu'on pourra travailler à aller chercher le prix la prochaine en fois. Travaillant fort. Ouais. Alors, ben bravo pour ces initiatives-là, et j'ai envie de te dire, Thomas-Louis, je te laisse retourner en cellule de crise, et en espérant, évidemment, découvrir pour le mieux, en fait, ce qui se passera du côté du festival, sûrement que vous saurez prendre les meilleures décisions, et on s'en reparlera, évidemment, dans quelques semaines là, pour faire le point. Parfait, ben porte-toi bien. Merci à toi également. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Thomas-Louis Côté, qui, je le rappelle, donc, est directeur général de Québec BD. Donc, on l'a entendu, festival, pour l'instant, pas l'image salon du livre. Donc, la réflexion se poursuit. Et en parallèle, ça nous a permis aussi de voir, et je pense que c'est inspirant de voir à quel point il y a ces développements-là à l'échelle internationale qui se font actuellement. Alors, ça sera à suivre également de leur côté. Petite parenthèse, en fait, simplement pour mentionner l'album québécois sur lequel je suis tombé récemment, fait qu'il y a eu une certaine résonance médiatique par ailleurs. Là, il s'agit de Copines et Copines du côté des éditions de l'Homme. Un album qui est fait par, entre autres scénarisé là, par Marie-Chantal Perron et Tammy Verge, et dessiné par Kim Nunes et Amélie Dubois. Un album qui a son intérêt, on pourrait dire comme ça, dans la mesure où les autrices sont capables d'amener une histoire. On est moins, de toute façon, de leur côté, dans une histoire BD classique. Il n'y a pas tant de bulles, donc on est vraiment dans une histoire de narration donc, qui aurait pu aussi devenir une nouvelle. Une histoire qui est sans prétention, donc de ce côté, et qui nous amène donc dans une relation, et c'est ce qui fait peut-être un peu de l'intérêt de l'ouvrage, donc une relation qui est loin des stéréotypes, si on peut dire, donc entre une belle-fille et sa belle-mère, donc où on développe, on découvre dans le fond comment une relation du genre peut se forger, peut devenir riche. Évidemment, en fait, on ne voit pas nécessairement tant que ça la construction de la relation. On voit, en fait, un peu plus les premiers moments, donc la première rencontre. Et ensuite, on saute rapidement vers, une fois que la relation est établie, comment, mais dans le fond, elle se place dans le temps, dans un contexte également de maladie, la belle-mère étant atteinte du cancer et allant en décéder en cours de route. Donc, un élément de réalité qui nous est annoncé dès le départ du livre, donc c'est pas une surprise que je vous enlève. J'aurais aimé quand même voir un peu, justement, le développement développement de cette amitié ou qu'est-ce qui a amené de la gêne peut-être du départ vers une relation qui est franche plutôt que d'aller chercher la relation plus quand elle était plus établie, mais reste que dans le contexte d'une bande dessinée qui est sans prétention, qui est sympathique, ça coule bien, les voix se portent bien, le dessin sert bien le récit également. Donc c'est pas nécessairement une bande dessinée qui réinvente quoi que ce soit, mais à tout le moins qu'elle mérite d'explorer une nature relationnelle de façon différente que ce qu'on est habitué de voir. Donc, si jamais vous tombez sur cette BD-là au fil de déambulation chez vos libraires, ben, vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil et vous verrez un peu si c'est quelque chose qui vous rejoint. Et parallèlement, ben, justement, si vous êtes ou vous cherchez des BD sur des réalités familiales, mais qui sont différentes des pontifs habituels, ça pourra aussi être quelque chose d'intéressant à parcourir. Alors voilà donc pour cette petite parenthèse sur Copines et Copines du côté des éditions de l'Homme. Sur l'écoute de la vie en BD ici sur les ondes du 89.1, toujours avec deux autres planètes qui nous accompagnent cette semaine. Et maintenant, mais au bout du fil, on est en compagnie de nos libraires en résidence, en direct de chez Pantoute. Édouard Tremblay, bonjour. Salut Raymond, salut à tes auditeurs. Et Édouard, en fait, pour cette semaine, je t'ai sollicité, Marco et toi, et je vous ai dit, dans le fond, parlez-moi de ce que vous avez envie. On fait des mini cartes blanches. Et de ton côté, tu t'es dit, si tu me donnes une carte blanche là, actuellement, j'ai envie de te parler d'un album de JP qui vient de sortir. Exactement, exactement. J'en profite d'abord juste pour faire une petite parenthèse hors du sujet de la BD, mais pour annoncer à tous nos chers auditeurs le retour des Indes fourbes en librairie. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'attendaient. Donc, enfin, il sera de nouveau disponible sur les rayons. Et si le titre est familier, il était dans tes coups de cœur, d'ailleurs, au début janvier, là, quand on a fait nos palmarès de 2019. Donc, c'est un album qui est dans les favoris de plusieurs personnes, je pense. Exactement, et qui a en plus été manquant juste avant Noël. Donc, c'est le grand moment, enfin, de retour. Ceci dit, donc, oui, comme je te l'avais précisé, j'ai eu la chance de lire cette semaine, en fait, un magnifique album de Creton et Kippy. Belle histoire médiévale, un beau conte fabuleux, naïf, d'une inspiration extraordinaire et qui se nomme Aldo Brando. Aldo Brando, c'est qui? Eh bien, c'est notre héros, un jeune orphelin, un jeune garçon, en fait, qui va être confié encore tout bébé par son père, un noble du royaume, qui va être confié donc à une espèce de vieillard, une espèce de vieux sorcier des bois, et qui sera élevé par cet homme-là en vase clos, littéralement, pendant de nombreuses années, jusqu'à ses 16 ou 17 ans. Et arrive justement le jeune âge adulte, en fait, de Aldo Brando, qui, assistant, en fait, son maître dans une expérience qui va mal tourner, va devoir aller se mettre en quête de ce qu'on appelle l'herbe du loup, une plante, en fait, qui devrait aider son maître qui s'est blessé à un œil, donc c'est censé, en fait, bloquer l'infection de la chose. Et, bien sûr, comme c'est le propre de ce genre d'histoire-là, eh bien, notre pauvre Aldo Brando, en fait, par les forces des circonstances, par tout un paquet de quiproquos et justement de hasards comme ça, va se retrouver, ni plus ni moins, accusé du meurtre du prince du royaume, va se retrouver enjôlé et, à partir de là, va voir son destin, en fait, entremêlé étroitement à celui, justement, du royaume dans lequel il est habitant. Tout ça, comme je le disais, sur fond d'honneur, sur fond de grande noblesse, de naïveté, sur fond de réflexion aussi sur la nature de l'amour, de l'amitié, du pouvoir. Donc, quelque chose qui rappelle un petit peu, si tu te souviens bien, le fameux Âge d'or de Pedroza, entre autres. Oui, puis j'ai l'impression aussi, parce que là, on est vraiment dans une réflexion autour de la relation père-fils, d'une certaine façon, qui était aussi le thème central du précédent album de JP, La Terre des Fils. Oui, mais en fait, ici, disons, la figure paternelle ne sera peut-être pas aussi omniprésente, mais elle a cette fonction d'être vraiment le point déclencheur. Okay. Et plus tard, en fait, on va voir aussi, parce qu'au début, bon, comme je disais, on voit un peu le père d'Aldo Brando, très peu, on sait vaguement qui il peut être, mais bien sûr, on va découvrir aussi au fil de l'histoire quelles sont les véritables origines de ce jeune homme-là, de ses compagnons également, parce qu'il va bien sûr se lier d'amitié avec quelques comparses qui, eux aussi, parce que, et c'est important de le préciser, on est dans un royaume qui rappelle aussi un peu les républiques italiennes, tant dans le dessin, dans l'ambiance aussi, qui est magnifique, les costumes qui sont très inspirés du 15e, 16e siècle. Et au-delà de ça aussi, c'est ce mode, justement, dont tout ce royaume-là marche par la loi du sang, par la loi du combat, et donc quelqu'un peut devenir le roi, peut devenir le seigneur en vainquant justement son prédécesseur, en vainquant son père ou en vainquant celui qui est sur le trône. C'est donc un monde aussi qui, malgré cet aspect très solaire, très lumineux, reste somme toute dans son assise relativement sombre et fort sinistre sous certains regards, mais c'est justement encore une fois ce qui va vraiment venir clasher avec cette belle vivacité, cette belle naïveté, cette grande force de vivre, ce courage aussi qui va imprégner Aldo Brando et qui va justement le lancer comme ça dans une magnifique aventure. Alors donc on a vraiment dans le fond un bel univers médiéval fantastique, si on peut dire. On joue avec des éléments qui nous rappellent, qui réfèrent à nos réalités auxquelles on peut s'identifier dans le contexte d'un récit qui de ce que t'en dis, est clairement donc maîtrisé là, autant pour le dessin que pour le scénario. Exactement. Un trait, vous allez voir, dont vous allez absolument tomber sous le charme là, dès les premières pages, dès les premiers coups d'œil. Et justement, une qualité scénaristique comme ça, qui respecte les codes de ce genre de récit-là, de cette quête initiatique qu'on connaît beaucoup, notamment du côté du manga. C'est quelque chose que moi, j'ai croisé assez régulièrement. Et donc, j'ai retrouvé là-dedans ces mêmes codes qui sont centrales à ce genre de récit d'éveil, à ce de prise de conscience, de passage à l'âge adulte, mené vraiment, vraiment, vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Et on se garde quand même quelques petits rebondissements pour la fin, ce qui fait que les dernières pages vont littéralement nous accrocher, là, mais je dirais pas qu'on est sur le bout de sa chaise, mais un coup que ça se met à débouler, on est fort heureux de voir tout ça se mettre en place et on termine avec un plaisir là, encore plus grand, je dirais. Et considérant, dans le fond, ça me surprend pas que tu amènes un sujet comme celui-là non plus, quand je t'ai dit, parle-moi un peu de ce que tu veux, une lecture récente qui tombe un peu dans tes cordes d'un point de vue thématique, si on peut dire, mais en plus, justement, avec cette maîtrise-là, cette capacité-là, c'est des bons auteurs, donc nécessairement, dans le fond, ça permet de s'approprier les codes, puis soit de les dépasser ou soit de les pousser jusqu'à leur pleine capacité, là. Ben, exactement, et c'est ce qui fait que même, comme ça arrive, je dirais, justement, avec des récits qui sont très, très universel, très intelligent, très bien mené comme ça. Même quelqu'un qui, in extenso, n'a pas vraiment d'intérêt, par exemple, ne dévore pas du Moyen-Âge, comme par exemple notre ami Jérôme, mais va quand même y trouver son compte. C'est une histoire, je pense, qui va interpeller tout le monde par ce grand humanisme-là, par cette grande universalité des thèmes qui vont y être abordés. Alors, l'album, je le rappelle, s'appelle Aldo Brando. C'est scénarisé par JP, c'est dessiné par Luigi Crittone et c'est chez Casterman. Oui. Édouard Tremblay, merci. Un grand merci à toi, cher ami. À très bientôt. Bonne soirée. À toi aussi. Alors, je rappelle donc Édouard Tremblay qui nous jasait donc de cette BD Aldo Brando et visiblement, de sa part, plus haute recommandation à la découvrir. We'll be right back. toujours des autres planètes qui nous accompagnent ici à La Vie en BD en cette édition du 13 mars. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. On parle de 9e art et on poursuit un peu dans ces cartes blanches, dans ces mini cartes blanches que j'ai offert à certains de mes collaborateurs pour cette édition. Et entre autres, un des collaborateurs qui a accepté vivement cette mini carte blanche, c'est Marco Duchesne. Bonjour. Salut. Et Marco, en fait, je ne suis pas surpris. J'ai dit, tu peux me parler de ce que tu veux à brûle pour point et tu me reviens avec du western. Ah ben oui, écoute, Raymond, je profitais de l'occasion pour, dans mes lectures récentes, la sortie d'un nouveau numéro de cette revue qui s'appelle la revue de les cahiers de la BD, le numéro 10. Il va avec un thème qui est le western et qui pose la question sur la couverture, pourquoi le western est-il indémodable? Vu la sortie prolifique de ce thème, le western, récemment, avec plusieurs titres, nouvelles séries en cours qui utilisent le genre le western, on constate que la BD a pas vraiment pris de pause pour ce genre-là, tandis qu'au cinéma, on regarde au cinéma et il y a très peu de western qui sort, de très bons western, entre autres. Les cahiers de la BD se sont penchés sur ce genre-là. En fait, ils profitent de l'occasion, surtout de la sortie du nouveau Blueberry. Cette reprise de la série Blueberry faite par Johan Spahr et Christophe Blain. Une série qui elle-même, en fait, pour reprendre un peu ta question de départ, est indémodable, même si on est capable de la réinventer un peu ou de la pousser ailleurs, comme c'est le cas avec cette reprise. Ben oui, c'est en fait, même si le genre, si on regarde un peu les réflexions des auteurs qui ont fait les articles dans la revue Les Cahiers de la BD, dans ce numéro-là, même si les auteurs ils vont de leur constatation que oui, ce genre est un peu rigide, il a ses propres codes et tout. Il y a moyen, et je pense que Charlier à l'époque et Giraud ont démontré que même s'il y avait des codes, même s'il y avait une espèce de rigidité dans la façon de développer, il y avait moyen de moderniser les personnages, les histoires, parce que Blueberry est un des premiers anti-héros, un des premiers héros modernes de la bande dessinée quand il est arrivé à la fin des années 60, au milieu des années 60, quand est arrivé Blueberry, ce anti-héros, ce personnage un peu ni mauvais, ni bandit, ni outlaw, qui a toujours refusé l'autorité et qui est parti dans ses propres aventures, a démontré que oui, on pouvait aller plus loin que les codes ou la rigueur du genre. Et ce qu'en a fait Spahr et Blain pour cette série-là, ils sont quand même restés dans les clous, je dirais, dans ce qu'avait établi Charlier. Et au niveau du dessin, même Christophe Blain, même si son dessin, même si Blain a un dessin un peu plus moderne, c'est-à-dire un peu plus brouillon, un peu plus, il a remis un peu de poussière dans le dessin, ce que Giraud avait enlevé dans les derniers Blueberry. Je profite de l'occasion de te dire que la revue est vraiment intéressante. Là. Le thème est pas, je veux dire, le cahier, le thème, la revue consacre un cahier au western, mais c'est pas si exhaustif que ça. Par contre, ce numéro-là déborde d'entretiens avec des auteurs qui ont fait du western, qui travaillent sur des séries de ce genre, et les entrevues sont vraiment fascinantes parce que c'est un regard de jeunes auteurs d'une nouvelle génération qui abordent le genre à leur façon et qui, malgré évidemment ce qu'on disait tantôt, malgré la rigueur et les codes, arrive quand même à rendre la chose accessible à un public, à une nouvelle génération de lecteurs d'histoire de cowboy. Oui, c'est intéressant parce que justement, ça revient encore une fois à ta question de départ où on dirait que génération après génération, les gens finissent par s'intéresser ou en viennent à s'intéresser au western pour X, Y, Z raison et qu'on réussit autant aussi au niveau des auteurs à partir des mêmes codes à apporter assez de renouvellement ou assez d'éléments pour d'un côté justifier ou amener une nouvelle production et de l'autre quand même où la production ancienne reste actuelle de par justement aussi peut-être ces codes-là et réussir à amener aussi des gens à la lire ou à la relire. Oui, mais on se le cachera pas. Le western, c'est notre vision. C'est un peu une mythologie qu'on aime bien. C'est américain. Ça raconte l'avancée de la civilisation dans un territoire sauvage. C'est là où la loi n'est pas encore tout à fait établie. C'est les personnages et le bien et le mal se confondent parfois, ont des zones grises mais par contre ce qui est bien est bien, c'est-à-dire il y aura toujours des gens à sauver, il y a toujours des héros. Tu sais, c'est la prémisse des super-héros d'aujourd'hui, le cowboy solitaire à qui on va demander de l'aide fascinera toujours. C'est une idéologie qui fascinera toujours, avec des thèmes qui s'appliquent à tous les genres, des thèmes comme la rédemption, des thèmes comme les valeurs que ça véhicule. Ça fera toujours partie de tous les genres, je pense, de la littérature, de la BD, du cinéma. Même que j'en étais je me rappelle, à un moment donné, quand est arrivé les premiers films policiers d'action, comme Die Hard, entre autres, je pense à la Piège de cristal, où c'était dans les films d'action de police, c'était plus vraiment du roman c'était plus vraiment du policier tel qu'on le connaît, le roman noir des années 40. C'était devenu des romans policiers, mais c'était des westerns qu'on adaptait modernes. Si on prend la prémisse de ces histoires de police, il y a toujours des otages à sauver, il y a toujours des gens à sauver ou à s'occuper contre des méchants. Et à mon avis, on a juste revampé un peu la facture visuelle et moderne de la chose. Le western véhicule toujours ces mêmes valeurs-là qui pour le lecteur est rassurante, c'est pour ça que ça attire si grand nombre de lecteurs, à mon avis. Et tu parlais tantôt, Marco Duchesne, là, des cahiers justement de la bande dessinée qui s'intéressent au western. Entre autres, tu disais, regarde, la grande valeur ajoutée de ce cahier-là, c'est les entrevues, c'est les rencontres. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui ressortent, qui t'ont allumé, qui... Écoute, moi, les cahiers de la BD, en fait, ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est le 10e numéro. Les cahiers de la BD sous cette forme-là, ont apparu l'année passée. Ils ont ressorti, mais en fait, les cahiers de la BD ont eu une longue pause dans les années 80-90, à une époque où les revues de bande dessinée étaient un prétexte à pré-publier certaines histoires pour les éditeurs. Je pense à une revue comme À suivre, qui servait de prépublication aux éditions Casterman. Je pense à Spirou, qui prépublie le magazine Spirou, prépublie les histoires des éditions Dupuis, Tintin Reporter pour le Lombard. Toutes ces revues-là faisaient de la prépublication des histoires. Mais quand est arrivé les premiers cahiers de la BD dans ces années-là, c'était la première fois qu'une revue faisait des articles sur la BD, réfléchissait sur la BD, sur les codes, sur les histoires, sur les artistes. Et c'était une abondance de textes et des penseurs tels que Thierry Goldstein ont fait leur apparition là à réfléchir sur des thèmes, sur des auteurs, sur les artistes. C'était une revue qui, à mon avis, était peut-être moins accessible. Moi, pour ma part, j'ai pas connu la parution de ces cette mouture de cahiers de la BD. Moi, c'est en faisant mes recherches personnelles sur des outils de référence sur la BD, je suis tombé sur plusieurs numéros. Je me suis procuré plusieurs numéros et là, à partir de là, je pouvais les consulter pour réfléchir sur la BD. Maintenant, après plusieurs années quand la revue est morte, après plusieurs années, l'année passée, quand est arrivé le premier numéro, on constate que ils se sont revampés, ils se sont modernisés, ils se sont adaptés à la nouvelle génération, à une clientèle plus moderne, plus qui demande à un peu comme les réseaux sociaux, à aller à des sujets rapidement, à voir des choses. Et cette nouvelle mouture, elle est aérée, elle est moins abondante en texte, mais elle donne une portion plus actuelle sur l'actualité de la BD. Je pense que c'est ça qui fait sa grande force maintenant, cette revue-là, et qui vaut la peine d'être consultée et même de se procurer ces numéros-là. Ils ont de très bons thèmes, celui du numéro 10 sur le western. Bon, évidemment, moi, m'a attiré, mais les numéros d'avant, il y a eu un cahier thématique, je me rappelle plus quel numéro, mais il y a deux numéros, c'était sur les autrices, sur les femmes dans la bande dessinée. Je pense à un autre numéro où il y avait l'art moderne en BD. Bref, les thématiques sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus axées sur l'actualité. Et on y va d'articles sur les nouveautés, on y va avec des gens qui collaborent. Les collaborateurs viennent de toutes les sphères, l'architecture, le design, les journalistes. Donc, ça permet un peu de distinguer versus, par exemple, des publications, j'irais plus savantes, peut-être, en guillemets, du même acabit, mais qu'on retrouve sur le web. Donc là, on se distingue dans différents cadres, par le choix d'une thématique, par une exploration qui est multi-angle, qui est multidisciplinaire. Donc, ce fait qu'on a réussi à faire évoluer un peu la ligne éditoriale face justement à un type de publication qui était peut-être celui de la première mouture qu'on retrouve de manière peut-être un peu plus prépondérante aujourd'hui sur Internet, là. Oui, tout à fait. Je pense que là, on est par Internet, on peut surfer et tout, mais là, on a donné accès à justement approfondir non seulement l'actualité, mais les auteurs d'aujourd'hui, les problématiques des auteurs aujourd'hui, parce que Dieu sait qu'il y en a. Mais aussi, on continue de réfléchir sur la BD. Ils ont gardé quelques articles, comme cette fameuse case mémorable. Ça, c'est une idée qui venait des premiers cahiers de la BD il y a quelques décennies, où un auteur choisit, ou quelqu'un, un chroniqueur, choisit une case, juste une case, la sortir de l'album et en faire presque un tableau en elle-même et la décrire. Ils ont aussi gardé un chroniqueur qui, lui, réfléchit sur les codes. Dans le numéro 10, il réfléchit sur la case. Bref, on a quand même cette volonté-là de pédagogique, je dirais, d'éduquer, et aussi de mentionner les spécificités de la BD. Mais en même temps, on y va avec un peu plus d'aération dans le choix des articles et des chroniqueurs pour donner une revue sur la BD qui, à mon avis, amène autre chose que les autres revues ou les autres publications sur le genre. Alors, une occasion donc de découvrir ou de redécouvrir cette publication-là. Donc, Nouvelle Mouture qui en est à sa 10e édition. Et en plus, mais une 10e édition qui est consacrée au western. Il y a eu d'autres thématiques avant. Donc, on invite les gens à y jeter un coup d'œil. Ouais, voilà. Excellent. Ben, Marco Duchesne, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et on se dit à bientôt. Ah oui. Alors, Marco Duchesne, je rappelle, un de nos libraires en résidence, basé chez Pantoute également, et qui nous jasait donc western, mais surtout des cahiers de la BD. On repart en musique, donc toujours Desert Planet. Cette semaine, on écoute un autre extrait qui s'appelle Asteroid Hopper. We'll be right back. on prend la dernière ligne droite pour parler un peu de bande dessinée, d'albums, de lecture. Je descends également ma pile et mes éléments et entre autres, en fait, deux belles lectures que j'ai faites. Vous avez peut-être faites aussi de votre côté, je suis pas dans les dernières nouveautés, mais si vous les avez échappées, ça vaut la peine de s'y intéresser. Entre autres, en fait, je le mentionne au passage parce que je me sens obligé, mais c'est tellement bon. Donc, Spirou et Fantasio, donc qui dans se poursuivent là, du côté de les Spirou 2, donc 14e tome, le deuxième tome de l'espoir malgré tout. Cette proposition d'Émile Bravo qui avait été largement saluée en fait pour son premier tome il y a déjà quelques temps, qui nous arrive avec un deuxième tome où on retrouve donc Spirou et Fantasio qui toujours autour de cette deuxième guerre mondiale ont l'idée de monter un petit théâtre ambulant de marionnettes et dans le fond ça les amène à donc rencontrer, se promener dans des écoles des environs et à poursuivre un peu leur dynamique à l'intérieur de l'occupation allemande, à l'intérieur de cette situation-là, et tranquillement de prendre conscience aussi de ce qui se passe autour d'eux, toujours de plus en plus, pour en arriver tranquillement justement au grand déplacement, donc à ces éléments qui entourent l'Holocauste. Et donc on donne le ton aussi vers, j'imagine, le troisième tome. Là, je dévoile pas la fin de cet album-là, mais on ouvre donc une porte, une brèche importante aussi de ce côté-là. Et sincèrement, en fait, pour moi, belle réinvention, quel bel usage de Spirou et Fantasio, de la dynamique de ces personnages-là, dans un contexte qui est quand même très particulier. J'ai beaucoup apprécié cette proposition. J'ai hâte de voir ce que va amener le troisième. Et le deuxième est à l'égal du premier aussi, où on est dans du bon matériel bien maîtrisé, bien géré, bien amené, entre l'aspect historique, l'aspect anecdotique, entre la prise de conscience et les aléas quotidiens, entre les défis de survivre pour les uns, pour les autres, donc une mise en abîme, si on peut dire, de la France ou de la Belgique sous l'occupation. Bref, c'est quelque chose de vraiment palpitant qui nous est offert. Et si vous aviez pas encore, pour une raison nébuleuse, jeté un coup d'œil au Spirou d'Émile Bravo, eh ben faites-le. C'est une belle occasion de plonger ou de replonger dans ces lectures. Et parallèlement, outre ce Spirou, je suis tombé aussi sur d'autres personnages. En fait, veux pas, on est beaucoup dans la relecture, dans la réinterprétation de personnages. On a parlé il y a quelques semaines de ça dans une des cartes blanches. Et entre autres, ben pour moi, en fait, il y a des séries parfois qui, jeunes, ne m'accrochaient pas particulièrement. Et veux pas, des fois, quand il y a un univers qui nous accroche pas à 10, 15, 16 ans, ben l'univers reste un peu... On en reste distant par réflexe et... Par hasard, ben, je retombe tranquillement dans des Blake et Mortimer. J'ai pas adoré la suite de la série, mais dans le fond, ça reste quand même bon. Là, je veux dire, je n'ai pas de mauvais mots pour Blake et Mortimer, sinon mon impression personnelle d'attachement envers cette série-là. Mais sincèrement, le dernier Pharaon, le tome 11 de Autour de Blake et Mortimer, donc m'amène à d'une certaine façon, avoir envie de replonger aussi dans la série originale en me disant qu'il y a des éléments que jeune, j'ai échappé, que vieux, je devrais apprécier. Surtout dans la mesure où, dans le fond, le dernier Pharaon, donc ce tome 11 d'Autour de Blake et Mortimer, ben, nous amène un peu dans certains aspects de la mythologie de l'univers autour duquel se place Blake et Mortimer. Donc, c'est pas une aventure officielle, évidemment, on le comprend bien, mais par contre, on fait référence au mystère de la Grande Pyramide. Donc, à un moment donné où il y avait, dans le fond, une parenthèse, une ellipse qui n'était pas nécessairement entièrement résolue, et bien là, on l'aborde de front, cette situation-là. Et ça nous amène dans une quête où on se retrouve avec des éléments presque, je dirais pas disons, de voyage dimensionnel à certains degrés. Et donc, tranquillement, on a des aspects de quête, on a une mythologie qui est construite là-dessus. Une histoire qui est somme toute assez linéaire, donc vraiment par épisode, chaque épisode qui construit le mythe progressivement, qui nous en dévoile. Donc, ça reste une structure qui est classique, mais qui est bien menée. C'est une lecture agréable que nous offrent les auteurs ici, mais au niveau du dessin, ben c'est, je veux dire, on s'approprie aussi de l'esthétique de Jacobs, on s'amuse avec celle-ci, Et en même temps, ben, on bâtit justement un univers, une richesse dans les aspects dimensionnels, dans les aspects fantastiques, si on peut dire, de ce récit-là, qui visuellement ben, sont assez stimulants également. Donc, une pyramide inversée, l'ambiance égyptienne ancienne, on réinvente Bruxelles en état presque sauvage, on va chercher donc plein d'éléments comme ça qui sont palpitant sincèrement, et je me suis laissé prendre à ce récit-là du début à la fin. Donc vraiment, félicitations à Jaco van der Maele et Thomas Gunzig pour cette histoire de perturbation quantique à travers l'univers de Blake et Mortimer. Mais bref, tout ça pour dire que ça fonctionne. Si comme moi, vous aviez des doutes par rapport à Blake et Mortimer, ben regrettez-le un peu, visiblement, et plongez-vous dans le reste et celui-là, mais parallèlement, si vous hésitiez à jeter un coup d'œil, disons, le scénario est assez classique, mais l'effet d'ensemble, là, il est là et il fonctionne. Et sinon, troisième parenthèse de lecture avant de se laisser, je mentionne Les Montagnes Hallucinées. Je ne me rappelle plus si je vous en ai parlé, mais si ce n'est pas le cas, il faut que je le fasse. Je le fais. Donc, Les Montagnes Hallucinées de Go Tanabe, c'est des adaptations donc de Lovecraft, donc une série d'adaptations en manga auxquelles Tanabe s'attarde. Et nous est arrivé l'an dernier avec Les Montagnes Hallucinées. Je n'en dirai pas trop parce que c'est d'abord une ambiance, c'est d'abord un grand mystère. Évidemment, on sait que ça va nous mener vers les grands anciens. On se doute bien, on est dans l'univers de Cthulhu, de Lovecraft et de reste. Mais le dessin est tellement beau, le récit est tellement maîtrisé, le mystère est tellement présent, tellement bien amené de manière progressive, de manière efficace. Il y a quelque chose de magique dans cet album-là, je trouve. Pour les fans de Lovecraft, qui ont envie donc de voir comment on a réinterprété cet univers-là et comment on s'est approprié les codes lovecraftiens, mais c'est une lecture qui est palpitante. Pour ceux qui connaissent mais qui n'osent pas nécessairement plonger, mais ça peut être une occasion intéressante. Le dessin est magnifique, l'objet livre est très beau et ben, le récit étant solide aussi, ben, c'est, ça fait quelque chose dans lequel on plonge somme toute facilement et qui fait que de mon côté là, c'est en fin d'émission, on fait une mention et une recommandation que je vous fais là, sans vergogne aucune, sans retenue aucune. Alors Les Montagnes Hallucinées de Go Tanabe, là, jetez un coup d'œil si vous en avez l'occasion. Alors voilà, pour ces clins d'œil et ces éléments de lecture, moi je vous laisse là-dessus. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine à La Vie en BD, entre autres Julien Paré, Sorel sera avec nous pour jaser d'Aventure Hasard. Il y aura d'autres sujets à l'ordre du jour. C'était Raymond Poirier au micro, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.